Un homme sensé dans un monde fou. Voilà comment on décrivait Charles Hoyfort, le grand collectionneur américain de phénomènes étranges. D'habitude, l'expression « un monde fou » fait référence à ses habitants. Mais Fort pensait que c'était notre planète elle-même qui était étrange et habitée de mystérieux phénomènes que la science n'explique pas. Fort étudia ce qu'il appelait l'innaturel durant 30 ans. Dans un seul ouvrage, il compila 40 000 cas extraordinaires d'événements innaturels, des événements qui ne peuvent être expliqués par les lois de la nature et qui ont donc été rejetés par la science. Ceci le poussa à parler de ces phénomènes inexpliqués comme du royaume des damnés. La science s'appuie sur la persévérance. Au contraire, les idées de Fort étaient audacieuses, souvent brillantes et inspirées. Quand il lut qu'une mystérieuse huile jaune était tombée du ciel, sa réaction ne fut pas de l'analyser, mais de proposer l'existence d'un vaisseau spatial naviguant entre Vénus et Mars et dont les moteurs fuiraient. Il n'y avait aucune preuve tangible de l'existence d'un tel vaisseau. Pourtant, sa théorie incongrue frappa l'imagination populaire. Après Charles Fort, il fut difficile de ne pas imaginer que les ovnis puissent exister. Depuis la mort de Fort en 1932, quelques-uns de ces phénomènes ont été étudiés par des scientifiques et des psychologues modernes et ne sont plus considérés comme appartenant au royaume des damnés. Pourtant, encore aujourd'hui, la plupart des phénomènes étranges que Charles Fort a recueillis restent inexpliqués. C'était un vrai bateau, à voile carré mais à l'air irréel. Il venait de la brume et voguait par-dessus la colline, sa quille touchait le Logan Rock. L'un des nombreux récits de navires volants, des visions dont on a parfois dit qu'elles présageaient de la mort de quelqu'un et aussi qu'elles conduisaient à un trésor enfoui. On a cru aux navires volants bien avant l'invention des avions. Ils étaient souvent considérés avec le même mélange de peur et d'espoir qu'inspirent les ovnis à notre époque. En France, il y a plus de 1000 ans, une foule en colère prétendit avoir capturé 4 étrangers qui avaient atterri avec leur navire volant. La foule demanda à l'archevêque l'autorisation de lapider les prisonniers, car tous en avaient assez de ces navires qui descendaient des nuages et emportaient les fruits de la terre. L'archevêque refusa de croire à leur histoire, mais les visions de navires volants ont continué jusqu'à nos jours. De nos jours, nombreux sont ceux qui confondent les phénomènes célestes expliqués avec les ovnis ou une quelconque activité extraterrestre. Mais il y a eu dans le passé de nombreux cas de phénomènes célestes plus reconnaissables, mais pas moins étranges. À travers l'histoire, de nombreux témoins ont déclaré avoir vu d'immenses armées spectrales et même des batailles dans les cieux. Ces histoires nous indiquent qu'il pourrait y avoir plusieurs explications. Parfois, il semble qu'une bataille ou un événement si horrible qu'il ait été gravé dans le monde astral se répète indéfiniment dans les cieux. Des visions sont apparues comme des prévisions d'une défaite imminente. Occasionnellement, une armée fantôme a même paru en repousser une bien réelle, comme lors d'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Même si vous ne croyez pas que les visions célestes prédisent l'avenir, elles l'ont certainement influencé. En 312 après Jésus-Christ, une croix en feu apparut dans le ciel, qui aurait pu changer le cours de l'histoire si l'empereur Constantin ne l'avait pas vue la veille de la bataille. Le christianisme ne serait alors peut-être jamais devenu l'une des religions dominantes dans le monde. En juillet 1967, trois policiers observèrent un ovni circulaire, auréolé d'orange, opérer d'étranges manœuvres au-dessus de la région du New Forest, au sud de l'Angleterre. Le 21 décembre 1978, le capitaine Vern Powell et le capitaine John Randall effectuaient un vol entre Blenheim et Christchurch en Nouvelle-Zélande quand ils furent témoins de plusieurs lumières non identifiées dans le ciel, détectées par les radars. Plusieurs jours après cet incident, une équipe de tournage dépêchée sur les lieux filma pendant 12 secondes des lumières inexpliquées très similaires qui furent aussi enregistrées par les radars au sol. Ces récits auraient difficilement pu être inventés. Mais d'où viennent les ovnis? D'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires? De l'intérieur de la Terre? Du futur? Ou du plus profond de notre imagination? Il y a presque autant d'avis différents que de descriptions des extraterrestres et de leurs vaisseaux. L'opinion du docteur Maurice Biot, l'un des spécialistes mondiaux en aérodynamique, est le suivant. L'explication la moins improbable est que ces objets sont artificiels et contrôlés. J'estime depuis longtemps qu'ils sont d'origine extraterrestre. L'un des aspects les plus frappants des apparitions d'OVNI est leur extraordinaire variété. Parfois, les lasers des vaisseaux extraterrestres semblent attaquer les terriens. D'autres fois, les lumières semblent avoir un effet apaisant. Dans certains cas, les témoins sont poliment salués par les occupants des soucoupes volantes. Dans d'autres, ils sont poursuivis jusque chez eux. Certaines personnes pensent qu'elles ont été choisies pour sauver le monde de la destruction. D'autres sont capturées et soumises à d'étranges expériences. Et les vaisseaux signalés ont des formes d'une variété étonnante. Triangulaires ou sphériques, immenses ou minuscules, en forme de cigare ou de disque, avec ou sans ailes. Les extraterrestres, ils sont tantôt beaux, tantôt hideux, géants ou nains, possédant un langage ou incapables de communiquer à ce qu'ils semblent. Le genre le plus commun est connu sous le nom de gris. Environ 90 cm de haut, une tête démesurée, de grands yeux sans pupilles. Les gris sont des humanoïdes, mais ils ressemblent aussi à des insectes ou à des reptiles. Selon une hypothèse, l'immense variété des visions signalées s'expliquerait par le fait que les témoins sont incapables de se rappeler avec exactitude de ce qu'ils ont vu. Lors d'une démonstration en direct à la télévision, un chercheur montra au public pendant 15 secondes une photo truquée de soucoupes volantes. Puis il demanda de la dessiner. Seuls deux dessins étaient ressemblants. D'autres expériences ont indiqué combien les témoins sont impressionnables, spécialement sous hypnose. Le fait que les ovnis soient à la mode un jour, démodés le lendemain, et que des images de films soient reconnues par des témoins comme réelles, est également très significatif. Mais si les ovnis ne sont que le simple produit de notre imagination, et il existe de nombreuses autres explications scientifiques, Cela n'est pas d'un grand secours pour ceux qui sont convaincus d'en avoir vu. Mike Sykes se fit le porte-parole de milliers, voire de millions d'autres témoins, après avoir vu un OVNI en mai 1979. Mais si seulement je pouvais vous convaincre. C'était là, je le sais. Les OVNI sont des vaisseaux bien réels, solides, physiques. C'est absolument terrible de savoir cela et d'être incapable de le prouver. Si les ovnis existent, depuis combien de temps viennent-ils sur notre planète? Certains spécialistes font remonter l'origine de la race humaine jusqu'à des visiteurs venus des étoiles. D'anciennes peintures rupestres, des récits bibliques, la poésie épique de l'Inde, tout cela semble suggérer que les ovnis ne sont pas un phénomène nouveau. Si c'est bien le cas, les occupants de ces vaisseaux ne semblent pas avoir beaucoup appris au cours des siècles. Pourquoi font-ils encore aujourd'hui ce qu'ils faisaient apparemment il y a des milliers d'années? Se montrer à certaines personnes, donner des messages et mener d'étranges expériences sur des êtres humains. Selon une hypothèse très séduisante, les ovnis ne viendraient pas d'autres planètes, mais de notre propre futur. Si les ovnis peuvent voyager dans le temps, ils pourraient tester différentes zones temporelles pour les étudier. Leurs apparitions sur Terre pourraient nous sembler distantes de milliers d'années, mais pour eux, ces missions ne seraient espacées que de quelques jours. Les ovnis et les extraterrestres n'ont peut-être pas beaucoup changé au cours des siècles, mais notre façon d'en parler a beaucoup évolué. Avant l'invention des aéroplanes, les ovnis étaient décrits comme des navires flottant dans le ciel ou comme des boules de feu. Aux États-Unis, vers 1890, la grande vogue des aéronefs survint à l'époque où le public commençait tout juste à prendre conscience des premiers objets volants construits par l'homme. En Europe, vers 1930, on parla d'une vague de fusées fantômes. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on donna le nom de Foo Fighters à d'étranges lumières qui apparaissaient autour des avions. Les ovnis évoluent-ils en fonction de notre compréhension? Cette variété n'est peut-être qu'une indication de l'inexactitude de nos perceptions et de nos récits. Dans tous les cas, on pourrait s'attendre à ce que les astronomes en particulier trouvent une réponse rationnelle aux ovnis, étant donné ce que nous savons déjà à propos de l'espace. En 1957, cependant, le docteur Frank Alstead du Darling Observatory fit une déclaration fracassante. De nombreux professionnels de l'astronomie sont convaincus que les soucoupes volantes sont des engins interplanétaires. Le début de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, après la Seconde Guerre mondiale, coïncida avec une augmentation des observations d'OVNI. L'idée d'être envahi par des extraterrestres était excitante pour certains, un vrai cauchemar pour d'autres. Pour les auteurs et les réalisateurs de science-fiction, les êtres venus de l'espace furent une formidable source d'inspiration. Et leurs inventions, à leur tour, influencèrent les témoignages. L'intérêt porté aux ovnis fut également alimenté par les programmes d'armes atomiques, la course à l'espace et la publicité faite autour des récits d'enlèvement. Bizarrement, le gouvernement joua un rôle capital dans cette évolution, en particulier l'incapacité apparente du gouvernement américain à réduire les inquiétudes de la population. En réaction au silence des autorités ces 50 dernières années, des organisations indépendantes ont entrepris d'établir la vérité sur les ovnis une bonne fois pour toutes. Des milliers de personnes de par le monde ont vu dans le ciel des choses qu'elles ne comprenaient pas et se sont senties obligées de faire partager leur expérience. Mais quelle part de leur récit sort tout droit de leur imagination? La plupart des meilleurs récits sont ceux de personnes supposées avoir le sens de l'observation. Des pilotes, des officiers de police. C'est le récit, en 1947, d'un pilote américain, Kenneth Arnold, qui déclencha l'intérêt moderne porté aux ovnis. C'est à la suite de sa description que fut employée pour la première fois l'expression « soucoupe volante ». Depuis, des ovnis ont aussi été repérés par radar à des dizaines d'occasions. À la fin des années 80, l'armée de l'air belge enquêta sur de nombreux cas d'ovnis repérés par des radars et à l'œil nu, faisant décoller des appareils afin d'intercepter tout engin extraterrestre. Les pilotes rapportèrent avoir observé des choses étranges, y compris des objets triangulaires, qui pourraient bien être, selon certaines sources, un nouvel avion secret. Le 1er mars 1973, des objets circulaires vivement éclairés furent repérés au-dessus du lac Saylor, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Un groupe d'une douzaine de personnes observa ces objets pendant 2 heures. Cela marqua le début d'une période fantastique dans l'histoire des ovnis, celle de ces cas spectaculaires de groupes d'ovnis, les clusters. À la fin de l'été 1973, l'un des cas les plus importants apparut dans une immense région qui s'étend de New York au Grand Lac et au Golfe du Mexique. 7 cas furent signalés en 19 jours. Il est intéressant de noter que des cas similaires avaient été observés à Washington, D.C. en 1952 et près de Bristol, en Angleterre, dans les années 60. La récurrence d'ovnis similaires au même endroit, mais à des mois, voire à des années d'écart, vient au crédit de la théorie selon laquelle les ovnis voyagent dans le temps. Pour les occupants de ces engins, il ne se passe que quelques secondes. Mais pour les habitants de la Terre, il peut se passer des années entre chaque apparition. Les photos prises par Ed Walters à Gulf Breeze en Floride figurent parmi les plus remarquables de toutes celles prises dans le cadre des recherches sur les ovnis. Elles sont censées montrer des objets qu'il aurait vus à plusieurs reprises. Entre novembre 1987 et mai 1988, Walters prit plus de 50 polaroïdes et photos stéréoscopiques en plus de films vidéo. Un des objets apparaît souvent. Quelquefois, plusieurs objets apparaissent en même temps. D'autres observateurs disent avoir vu ces objets également. Pour éliminer toute tentative de fraude, le Mutual UFO Network lui donna une caméra scellée en 3 dimensions. Les photos d'OVNI devraient fournir des preuves tangibles de leur existence, mais l'authenticité de la plupart des photos est mise en doute tôt ou tard. Mais il n'y a pas que les photos qui puissent nous tromper. Nos yeux aussi le peuvent. On utilise maintenant des techniques de pointe pour enquêter sur les ovnis, mais aussi pour comprendre pourquoi nous pourrions imaginer que nous les avons vus. Les ovnis arrivent sans prévenir, mais ne partent pas toujours sans laisser de traces. On parle de rencontres rapprochées du deuxième type lorsque les ovnis laissent des traces visibles de leur passage après un cas signalé ou supposé. Le 9 novembre 1979, un garde forestier écossais nommé Robert Taylor se retrouva nez à nez avec un objet oblong flottant juste au-dessus du sol. Deux objets pointus lui attrapèrent les jambes et il perdit connaissance. Quand il reprit ses esprits, l'objet avait disparu en laissant deux traces parallèles sur environ 4 mètres de long, criblées de trous. Les meilleures preuves sont les débris des épaves d'ovnis qui se sont écrasées. Le cas le plus célèbre est celui de Roswell, au Nouveau-Mexique en 1947. En dépit de nombreuses rumeurs selon lesquelles ces épaves auraient été récupérées, aucune n'a encore été complètement authentifiée. Les ovnis ont parfois des conséquences dévastatrices. Ils peuvent endommager les instruments de contrôle des voitures et des avions et créer des coupures d'électricité. En 1965, un ovni aurait plongé 6 États américains et une partie du Canada dans le noir complet. À d'autres occasions, des cadavres d'animaux mutilés furent retrouvés à la suite de l'observation d'ovnis. Mais ce sont les effets psychologiques et émotionnels des ovnis qui sont les plus destructeurs. Après avoir vu un ovni, de nombreux témoins trouvent que la vie n'a plus de sens. Ils perdent leur emploi et leur mariage est brisé quand leur partenaire est incapable de croire que ce qu'ils disent est la vérité. Certains témoins du passage d'un ovni deviennent célèbres, très médiatisés, tandis que d'autres sont tournés en ridicule. Un policier en Alabama a même eu sa maison brûlée par ses voisins, incapable d'admettre qu'il avait vu et photographié un visiteur extraterrestre. En raison de leur pouvoir destructeur, rien d'étonnant à ce que les gouvernements du monde entier prennent les ovnis au sérieux. Pour le général de brigade G. Salatun d'Indonésie, l'étude des ovnis est une véritable nécessité en matière de sécurité mondiale. Dans ce cas, nous devons nous préparer au pire dans l'ère spatiale, que nous devenions Christophe Colomb ou les Indiens. En France, en Espagne et au Brésil, les autorités gouvernementales ont encouragé une plus grande transparence en ce qui concerne les ovnis, contrairement aux États-Unis. Gerald Ford et Jimmy Carter accordèrent bien leur soutien aux défenseurs de la recherche sur les ovnis, mais cela avant qu'ils n'occupent la Maison Blanche. Dissimulations et faux fuyants semblent caractéristiques de l'histoire des relations entre le gouvernement américain et les ovnis. Les ovnis méritent-ils toute cette attention? De nombreux cas ont certainement une explication logique, mais des milliers de cas ne peuvent être expliqués si facilement. Malheureusement, certains prétendent détenir des preuves solides, ainsi le cas de l'épave de Roswell, mais perdent toute crédibilité en refusant de les soumettre à une analyse scientifique poussée. Rencontre rapprochée du troisième type est le terme employé pour décrire un réel contact avec des êtres extraterrestres. Au fil des ans, des milliers de cas de rencontres du troisième type ont été recensés, tous uniques et sans lien apparent. Le premier à parler d'un contact avec des extraterrestres fut George Adamski, dans le désert de Californie, en 1952. Il raconta comment deux extraterrestres qu'il avait rencontrés l'emmenèrent faire une promenade magique dans le système solaire et lui présentèrent les habitants de Mars, Saturne et Jupiter. Cette histoire si excitante et fascinante inspira bon nombre de sectes soucoupistes les années suivantes. Leurs membres étaient souvent persuadés d'avoir été choisis pour guider la race humaine, ou du moins pour délivrer des messages importants de la part de nos maîtres cosmiques. Mais il semblerait que la plupart des extraterrestres ne viennent pas sur Terre pour délivrer des messages. Leur mission demeure mystérieuse. Ainsi, le cas de ces deux humanoïdes qui demandèrent un sac d'engrais à un fermier du Nouveau-Mexique, puis qui disparurent alors qu'il allait le leur chercher. Que les extraterrestres puissent être vus est déjà une chose remarquable, mais l'extraordinaire variété de leur apparence est encore plus saisissante. Pendant longtemps, il n'y avait presque pas de point commun entre les différentes descriptions. Ce n'est que récemment que certains types furent signalés régulièrement. Le type le plus courant est connu sous le nom de gris. Selon les scientifiques, il n'est pas logique d'imaginer que les formes vivantes extraterrestres nous ressemblent. Et pourtant, on signale plus de formes humanoïdes que non humanoïdes. Après une rencontre à Bainbridge, au Zimbabwe, un témoin raconte « Ils peuvent apparaître dans notre esprit sous la forme qu'ils veulent. Cela expliquerait-il la sinistre apparence des hommes en noir, qui ressemblent à des humains, mais qui semblent mus par une source d'énergie mécanique. D'autre part, y a-t-il un lien entre les récits d'extraterrestres de notre époque et les récits de rencontres avec les fées des siècles passés ?» Nous percevons les extraterrestres et les ovnis à travers les yeux des témoins. Pour comprendre leurs récits, nous devons comprendre ceux qui les racontent. Devons-nous croire les témoins à répétition, qui prétendent avoir vécu plusieurs rencontres successives? Que penser de ceux qui affirment être des extraterrestres eux-mêmes? Et les témoignages des enfants sont-ils plus ou moins fiables que ceux des adultes? Peu de rencontres avec des extraterrestres sont aussi magiques que l'expérience décrite par George Adamski. Elles ont souvent des effets néfastes sur le corps et l'esprit des témoins, qui peuvent plus tard développer d'étranges névroses et compulsions. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'une rencontre avec un extraterrestre métamorphose ceux qui en ont été victimes. Mais les chercheurs devraient considérer attentivement l'hypothèse inverse. Ces métamorphoses pourraient engendrer elles-mêmes les rencontres. Parmi tous les aspects du phénomène des ovnis, les enlèvements sont les plus effrayants. Et aussi les plus excitants. Betty et Barney Hill, un couple du New Hampshire aux États-Unis, furent le premier cas connu d'enlèvement par des extraterrestres. Ils mirent plus de 2 ans à rassembler toutes les pièces de leur enlèvement dans la nuit du 19 septembre 1961. Plus de 30 ans après les faits, les enquêteurs et les psychologues n'ont toujours pas résolu l'affaire. L'hypnose a-t-elle permis de faire ressurgir leurs souvenirs? Ou bien leur récit traduit-il leurs peurs intimes? Le cas des époux Hill fut le premier à être médiatisé et il déclencha des centaines de cas similaires. Le sujet des enlèvements devint un aspect important de la recherche sur les ovnis. De nombreux récits furent soumis à un examen scientifique très minutieux. Le 12 octobre 1973, Charles Hixon et Calvin Parker, déclarèrent avoir été enlevés par trois êtres surgis d'un grand vaisseau ovale. Le docteur Bernard Best, de l'hôpital Harper à Détroit, les examina et conclut qu'ils étaient tous deux honnêtes et sincères dans leur récit. Rien ne permettait de suggérer qu'ils mentaient, affabulaient, ou qu'ils avaient eu des hallucinations. Seuls quelques récits d'enlèvement sont imaginés dans le but d'attirer l'attention. Pourtant, beaucoup de victimes ont du mal à se souvenir des faits. Certains chercheurs estiment que les enlevés ne reconnaissent pas leur expérience, car les extraterrestres leur ont implanté une nouvelle image pour se protéger. La vérité profonde surgit quand les enlevés portent des plaies inexpliquées sur le corps, ou qu'ils ne peuvent pas justifier une disparition de longue durée. Sous hypnose, des détails d'un enlèvement physique peuvent ressurgir. Mais cette réalité est-elle l'aspect le plus important de la rencontre? De nombreux enlevés pensent que leur expérience est en premier lieu spirituelle plutôt que physique, et aussi qu'ils ont été choisis dans un but bien précis. Certains enlevés développent des dons artistiques extraordinaires, d'autres découvrent des pouvoirs spirituels qu'ils n'auraient pas imaginés avant leur enlèvement. Les récits d'enlèvement se ressemblent de façon surprenante. Il existe deux scénarios, la route isolée la nuit et la visite dans la chambre. Ce sont probablement les lieux et les heures où les personnes sont les plus vulnérables et les plus faciles à enlever. Mais les chercheurs ont des preuves que de telles rencontres ne sont pas si inattendues. Jean-François Boédec a introduit le concept de phase de construction. Il a suggéré que pendant les heures ou les semaines qui précèdent un enlèvement, les témoins se comportent de façon étrange et brisent leurs habitudes. Ils ont plus tendance à s'isoler, ce qui facilite leur enlèvement. Tout ceci laisse une question en suspens. Que veulent les extraterrestres? La principale théorie veut qu'ils étudient la génétique humaine. La race humaine pourrait être une expérience biologique contrôlée et mise à jour par les extraterrestres. Selon une autre théorie, les extraterrestres auraient besoin d'une particularité des humains qu'ils ne possèdent pas dans leur propre patrimoine génétique. Est-ce plausible? Ou bien le phénomène des enlèvements provient-il d'une imagination complexe et est-il provoqué par le sujet lui-même? En août 1980, John Scull, fermier au Wiltshire en Angleterre, a découvert un mystérieux cercle concentrique dessiné à plat dans ses champs de blé. Son diamètre était de 18 mètres et le blé semblait avoir été aplati par une sorte de tourbillon. Un rapport dans la presse locale qui avait fait état d'un certain nombre d'apparitions d'ovnis les années précédentes attira l'attention des passionnés d'ufologie. C'était peu avant que les histoires d'atterrissage d'engins géants dans les champs n'envahissent le sud de l'Angleterre. Dès le début des années 80, il ne s'est pas passé un été sans que l'on ne voie une récolte qui est jusqu'à 50 nouveaux cercles. La plupart sont apparus dans la même région du Wiltshire et du Hampshire, région bien connue pour le mystère de ces sites anciens. Au milieu des années 80, deux écrivains, Pat Delgado et Colin Andrews, ont été impliqués dans un mystère. Ils se sont d'abord intéressés à la théorie selon laquelle une vie intelligente extérieure essayait d'entrer en communication avec le royaume des humains, et selon laquelle les cercles et leur configuration de plus en plus complexe étaient la manifestation de leur langage pictural universel. D'autres chercheurs furent convaincus que des forces naturelles ou des effets atmosphériques inhabituels étaient à l'origine de ces phénomènes extraordinaires. Le docteur Terence Midden, météorologue, avança une théorie sophistiquée selon laquelle les traces circulaires étaient formées par des tourbillons de plasma, une sorte de boule foudroyante, intangible et mystérieuse. En septembre 1991, les chercheurs furent discrédités lorsque deux artistes à la retraite, Doug Bower et Dave Chorley, prétendirent avoir créé des centaines de traces eux-mêmes, et ils avancèrent que leur œuvre remontait à une période antérieure à 1978, avant la première découverte. Les journaux organisèrent des concours de falsification de traces. Certains chercheurs sérieux, qui prétendaient pouvoir distinguer les vraies traces des fausses, furent sévèrement pris en faute. Pour beaucoup, la série énigmatique semblait avoir été prématurément suspendue. Mais l'année suivante, une centaine de traces circulaires continuèrent pourtant à se former dans les champs. Et à chaque nouvelle formation, une nouvelle théorie de conspiration naquit sur les agents du gouvernement, sur l'implication de l'armée de l'air, sur les M15, sur la CIA, comme si tout le monde s'était accordé pour décrédibiliser le sujet. Il était devenu particulièrement difficile de savoir si les traces circulaires avaient une réelle signification. Au fur et à mesure que la confusion prenait de l'ampleur, il devint clair aux yeux de nombreux chercheurs qu'environ une trace sur 10, toutes étant de forme simple, continuait aujourd'hui à défier toute explication satisfaisante. L'impact de certains témoignages originaux sur la formation des traces circulaires demeure l'argument le plus convaincant sur la réalité du phénomène. Le fait que des phénomènes similaires aient fait l'objet de témoignages dans d'autres pays et que l'on ait des preuves de l'existence de traces circulaires remontant à 400 ans donne du crédit à ceux qui pensent que l'histoire des traces circulaires est loin d'être terminée.